Pascal et Pascalo Fiorentino En et instru, Tonio quand on Fontblardo sera. reprennent tous les plus grands standards français en flamenco. C'est Moi j'ai eu ces instrus, toi tu fais tout le champ avec la classique. ça à quoi? Je sais pas, mais ça serait. Et ce serait rigolo. Je suis sûr on fait ça sur Jamendo, perso. Moi je télécharge, je le mets en bruit de fond quand je cuisine. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est trop bien. Ouais, c'est de la musique pour faire leur passage ou. Télécharge direct, elle l'écoute en bagnole. Bah on le fait, allez, on enregistre. Moyen de parole, mais elle se porte.